c'est un truc de ma boule. Je voulais rester dans ma bulle. Maintenant ça s'emballe, fait un scandale. La petite frappe coupable. J'perds dans des actes impensables au préalable. Cette maladie qui se soigne pas, incontrôlable, introuvable mais toujours là. Qui agit dans le faux pas, t'éclates et dissipe ton état. L'état nous mène bien pas à la vendetta, nous endette. J'me sais pas les bois, quoi qu'il en soit. Débarqué, un coup d'état, braqué à coup de batte, coupable dans la loi, perdu la foi. Thug life dans ma vie, c'est mon choix. J'suis au niveau que tu ne peux accéder. Je répète, l'accès n'est pas assez décédé. Jamais, même si je dois décéder, accéder à la street life est un combat. Violent tel long bac, on se prépare pour le comeback. Mon passé a fait de moi ce que je suis. Mes erreurs et mes défaites m'ont servi. Aucun honte à dire que la vie m'a vu grandir. Aujourd'hui je suis fier de combattre pour m'en sortir. Je suis seul, mon passé a fait de moi. Les défaites ne sont que des leçons. Dans ce monde, du monde où l'argent fait la loi. Qui est ton prince rêve d'être loi. Mange fond ta gueule mais relève-toi, rien n'est acquis. Ne te contente pas de plan A, le livre m'a appris. Aide-toi et le ciel t'est de grâce, sans crainte ni cri. Va où tu veux, meurs où tu dois, tout est écrit. Mets-toi à l'abri, quand les balles fusillent, tu n'as pas la foi. Conscience défaillante, jamais ne faillit, qui a pénurie de pitié. On ne peut échapper à la fatalité, ce qui doit être elle. La vie est une chaîne et nos espoirs sont ses chaînes. Y en a peur, y en a prouvé, y en a battu plus de peine. J'ai vu mes frères s'en aller les uns après les autres. Vu plus d'enterrement que d'anniversaire, je pousse la note. Sous mes fautes, je me fonds dans la foule, léger comme l'air, je fly dans ma bulle, bulle. Mon passé a fait de moi ce que je suis. Mes erreurs et mes défaites m'ont servi. Aucune honte à dire que la street m'a vu grandir. Aujourd'hui je suis fier de combattre pour m'en